Dans le monde de la sécurité routière, les couleurs ont une symbolique toute particulière. Le vert autorise. Il ouvre le passage alors que le rouge interdit. Le jaune-orange est, en signalisation routière, une couleur intermédiaire, dans les feux tricolores par exemple, ou une signification du danger. Il en est de même pour les étiquettes énergie qui apportent des informations sur les émissions de CO2. Plus les véhicules sont propres et plus on tire vers le vert. Plus ils sont sales et plus on tire vers le rouge, en passant par un dégradé de jaune-orangé. Réponse C.